premier temps d'une nouvelle série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire qui invite des auteurs de thèses récentes. Ce matin, musique et chant dans la Grèce d'Homère, mais aussi dans le Beyrouth de la première moitié du XXe siècle. Toute la semaine, nous allons recevoir de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs qui ont soutenu leur thèse l'an dernier et cette année. Demain, nous vous parlerons d'école et d'administration des populations, que ça soit dans les établissements français de l'Inde, en Guyane ou encore dans notre métropole. Mercredi, eh bien, nous aborderons la question de l'histoire des femmes et du genre. Et jeudi, nous nous intéresserons à des questions d'histoire urbaine. Et ce matin, nous allons vous parler de musique, de chant et de poésie à deux périodes fort différentes. À Beyrouth, au temps de la Narda, la Renaissance arabe, c'est-à-dire entre la fin du 19e siècle et la seconde guerre mondiale, avec Diana Abadi qui a soutenu sa thèse à la Sorbonne au début de cette année sur ce sujet. Elle sera en deuxième partie de cette émission. Et auparavant, Manon Brouillet nous a rejoint. Elle a soutenu une thèse sur les chants comme expérience religieuse. Nous allons commencer avec elle et avec Yanis Xenakis. Une pièce de 1980 de Yanis Xenakis, Hadès ou le royaume des morts, des textes extraits de l'Iliade et de l'Odyssée, et également de poèmes de Sappho, interprétés par l'orchestre symphonique de la radio bavaroise, le baryton Spiros Sakas, dirigé par Michel Tabachnik. Pour nous introduire au sujet du jour avec vous, Manon Brouillet, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On a eu de la chance parce que dans quelques semaines, vous n'auriez plus été sur le territoire national. Vous seriez parti du côté des États-Unis puisque vous êtes donc pendant 6 mois en post-doc, comme on dit, à Harvard, c'est ça? Oui, exactement. Au Center for Hellenic Studies de Harvard, qui en fait est situé à Washington. Mm-hmm. Pour 6 mois, effectivement, pour poursuivre mes recherches sur Homère. Comme beaucoup de docteurs, hommes et femmes, jeunes hommes et jeunes femmes, qui évidemment aujourd'hui vont chercher parfois des ressources ailleurs que dans l'université française, et aussi parce que la recherche française est très cotée, eh bien vont en sciences humaines, en sciences historiques, donc quérir des postes, tout simplement des postes de post-docteur, comme on dit, c'est-à-dire des stages de 6 mois dans des centres de recherche à l'étranger. C'est le cas de beaucoup de vos collègues, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait, on est nombreux, après la thèse, à essayer de partir à l'étranger pour avoir une expérience de recherche, construire aussi des liens avec d'autres chercheurs. Avoir cette expérience internationale qui est de plus en plus requise maintenant pour ensuite soit rester à l'étranger éventuellement ou alors candidater sur des postes de recherche fixes en France. Voilà, et donc vous avez soutenu votre thèse, c'est un peu une exception dans toute cette série d'émissions. Il y a deux ans maintenant. Tout à fait. C'était à la toute fin de 2016, mais nous avons tenu à vous y inviter, même si nous allons avoir essentiellement des gens qui ont soutenu leur thèse entre 2017 et 2018, pendant cette saison académique, pourrait-on dire, parce que elle a été remarquable, cette thèse. Elle nous a été mentionnée à plusieurs reprises. Elle s'intitule « Des champs en partage, l'épopée homérique comme expérience religieuse ». Et vous expliquez, vous l'avez faite sous la direction de Pierre Judet de Lacombe, dès l'ouverture de votre thèse, combien il est nécessaire de se replacer dans une longue histoire, pourrait-on dire, des études homériques, des gens qui ont travaillé sur Homère pour à la fois leur rendre hommage sur certains points et vous en distinguer d'une autre manière, Manon Brouillet. Oui, tout à fait. Alors effectivement, les études homériques, c'est un très très vaste domaine. Et voilà, mon idée, c'était qu'il fallait vraiment combiner une approche littéraire, philologique et une approche historique, et même plus précisément une approche d'anthropologie historique, pour rendre compte au mieux non seulement du texte homérique, mais aussi de l'importance de ce texte dans la société, dans la culture grecque, à l'époque archaïque et aussi à l'époque classique. Quelles étaient les approches différentes de la vôtre, donc qui étaient à l'œuvre auparavant, justement, sur ce texte homérique, et qui, dont vous vous distinguez dans votre approche, je le précise, d'une épopée homérique comme expérience religieuse, Manon Brouillet. Oui, donc moi, je me suis beaucoup intéressée donc aux dieux, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, et pour les dieux, il y avait, disons, deux grandes approches. Une approche littéraire, qui considérait les dieux comme des personnages, et qui regardait quel était le rôle de ces dieux dans l'action. Donc comment est-ce que Athéna aidait Ulysse dans l'Odyssée, quel était le rôle de... Est-ce que Zeus était tout-puissant ou non, ou est-ce qu'il devait composer avec les autres dieux, avec le destin, etc. Donc ça, c'était une des approches. Et puis l'autre approche plus historique et plus liée à l'histoire des religions, prenait des épisodes particuliers de l'Iliade et de l'Odyssée pour montrer, par exemple, quel était le lien entre tel et tel dieu, ou comment se passait un sacrifice à l'époque archaïque tel qu'il était représenté dans les épopées. Et donc là, on perdait la dimension narrative, en fait, et vraiment l'épaisseur de ces différents épisodes. On allait juste chercher tel ou tel élément qui nous intéressait. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me poser des questions qui intéresse l'anthropologie religieuse, l'histoire des religions, mais d'y répondre en ayant une lecture vraiment de détail des textes, une approche philologique, et en même temps, donc à la fois une lecture de détail et en même temps regarder vraiment comment les épisodes se déroulent dans la longueur. Alors prendre cette question sous l'angle du religieux, c'est s'interroger sur le rôle des dieux dans leur rapport aux hommes et donc l'interaction entre les dieux et les hommes dans un échange qui n'est pas forcément inégal, expliquez-vous Manon Brouillet. Il peut y avoir même des échanges égaux, voire des échanges dans lesquels l'homme a la capacité d'initiative vis-à-vis des dieux et pas simplement les dieux comme pesant sur le destin des hommes, Manon Brouillet. Exactement. Alors l'idée, c'est vrai qu'on a souvent, à propos de ces dieux homériques et de la manière dont ils interagissent avec les héros, c'est qu'ils sont dans cette toute puissance et ils utilisent un peu les dieux comme les hommes pardon comme des pantins si on veut, donc ils vont comme des marionnettistes avec leurs marionnettes. Exactement, tout à fait. Donc soit ils vont leur insuffler une force particulière qui va permettre aux héros d'être vainqueurs sur le champ de bataille, ou au contraire on va ravir le courage à tel ou tel héros. Alors ce sont des choses qui arrivent évidemment, mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est que plutôt que de parler d'une action, d'une imposition, disons, de cette force divine sur les hommes, il y a plutôt une collaboration ou un partage d'action, partage d'agentivité, j'ai proposé comme expression, entre hommes et dieux. Agentivité, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce terme, c'est une traduction française, une adaptation française du terme d'agency, qu'on utilise d'ailleurs beaucoup dans d'autres domaines, en particulier dans les sociétés coloniales, la question de la domination et des dominés, et où on imagine qu'effectivement cette agentivité, c'est la capacité d'un individu qui pourrait être dominé à avoir de l'initiative sous cette coupe justement de la domination. Exactement. La notion d'agentivité, elle permet aussi de dépasser un peu l'opposition entre agent et patient, si on veut. C'est-à-dire que est doué d'agentivité, même celui qui pourrait sembler passif dans cet échange d'action, disons. Et si on veut, on peut considérer même que l'ensemble de l'Iliade porte la marque de cette influence, de cette action que peuvent avoir les hommes sur le monde des dieux. Puisque l'Iliade, comme on le sait, c'est la colère d'Achille qui n'est absolument pas provoquée par les dieux. Et suite à cette colère, les dieux, et en particulier Zeus, vont devoir réagir. Mmh. Et Zeus va être mis un peu même en difficulté quand la mère d'Achille va lui demander donc d'honorer son fils et de faire en sorte que les Achéens, les Grecs soient mis en difficulté et que les Troyens soient vainqueurs au moins pour un moment. Et là, il va y avoir une crise sur l'Olympe puisque Zeus va accepter la requête de Thétis et que Héra et Athéna vont se liguer contre lui pour faire en sorte que les Achéens continuent à avoir le dessus. Alors, on est toujours surpris de voir une jeune chercheuse ou un jeune chercheur à la fois rendre hommage, non pas aux dieux, mais rendre hommage aux dieux de l'historiographie, à ceux qui l'ont précédé, aux grands noms de l'historiographie. Vous citez dans votre introduction Paul Mazon, vous citez bien évidemment Jean-Pierre Verdant, mais vous n'hésitez pas, en tant que jeune chercheuse, justement, à vous en distinguer, à considérer qu'il y a des apports intéressants, mais aussi qu'on peut, sinon les critiquer, en tous les cas, considérer que la discipline historique, sur ce domaine qui est pourtant extrêmement labouré des études numériques, peut apporter quelque chose de neuf par rapport à leurs propres travaux, Manon Brouillet. Oui, tout à fait, c'est quelque chose qui est important. Vous avez dit que les études homériques étaient un domaine bien labouré, donc là, ce qui m'intéressait, le challenge, c'était aussi de faire mon propre sillon, donc en me démarquant de ces grands noms, de ces grands philologues, de ces grands historiens qui ont travaillé beaucoup sur Homère. Et donc, c'est vrai que j'ai eu, voilà, dès mon introduction, la volonté de bien distinguer, bien rappeler les apports de ces différents chercheurs, mais aussi d'affirmer dès le début la manière dont je m'en distinguais et ce que je pouvais apporter en plus donc à la lecture des épopées homériques. Alors, ce que vous pouvez apporter en plus, c'est assez original, même si d'autres l'ont fait auparavant, c'est de prendre appui sur une connaissance qui peut paraître extrêmement lointaine à celui qui s'intéresse à la Grèce homérique, une connaissance anthropologique contemporaine pour pouvoir relire ou lire différemment ce que les chants homériques racontent de cette relation des hommes et des dieux. Et vous êtes allé au Burkina Faso pour cela. Alors d'autres l'avaient fait auparavant, et vous l'avez mentionné bien évidemment, en allant voir les bardes yougoslaves par exemple, qui étaient censés d'une certaine façon être des conservatoires de ce genre de poésie qui était exprimée par les aèdes antiques. Ça, c'était dans les années 50 et dans les années 60, après la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes allé au Burkina Faso. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a une première tradition dans les études homériques, donc représentée par Milman Paris et Albert Lord, qui, effectivement, sont qui allés... Qui travaillent ensemble, tous les qui deux. Qui ont travaillé ensemble et qui sont allés en Yougoslavie pour écouter les bardes. Et leur idée, c'était que, en écoutant et en enregistrant également tous ces chants, on aurait pu reconstituer la manière dont étaient composées les épopées homériques. Parce que leur idée, c'était de savoir, notamment, est-ce que c'était quelle était la part d'improvisation dans ces chants. Donc, il y avait une perspective, si on veut, archéologique de reconstitution. Avec l'idée aussi d'une sorte de permanence anthropologique. Exactement. Qui n'aurait pas bougé au cours du 28 siècle de séparation entre l'écriture ou la pensée homérique, d'une certaine façon, et puis le 20e siècle. Ce tout à fait. C'était un peu, évidemment, une vision d'une histoire immobile. Voilà, tout à fait. Il y avait l'idée de cette permanence. Alors, c'est pas dans cette optique que moi je suis allée au Burkina Faso. Donc, la confrontation des historiens de l'Antiquité avec les travaux des anthropologues, elle a une longue histoire et notamment vous avez mentionné Jean-Pierre Vernant, mais c'est pas le seul évidemment, mais au centre Louis Gernet, voilà, autour de Jean-Pierre Vernant, on se confrontait beaucoup avec aux travaux des anthropologues. Avec la comparaison des gens voilà. Qui s'intéressaient à l'Inde antique, qui s'intéressaient ou à l'Inde contemporaine, à la Chine contemporaine, etc., et qui mettaient cela en relation avec leur propre objet d'étude, justement la Grèce antique. Exactement. Et donc là, on avait une perspective qui n'était pas celle de la permanence ou l'idée de retrouver des grands traits communs à toutes les civilisations, mais plutôt un comparatisme qui cherchait, un comparatisme contrastif, on pourrait dire, qui en faisant varier autour d'une même question les différentes cultures qui voilà dans lesquelles la guerre par exemple ou beaucoup d'autres domaines se déployaient permettait d'éclairer voilà ces différentes cultures. Donc c'est un peu dans cette perspective-là que moi je suis allée au Burkina Faso. Donc vous l'avez dit, d'autres hellénistes l'avaient fait avant moi, notamment Jean-Louis Durand, qui travaillait beaucoup sur les questions de sacrifice, Cléo Carastro également. Et donc au Burkina, j'ai travaillé avec des chanteurs traditionnels, on peut dire avec des aèdes. Des Gurunsi, donc de la population Gurunsi, qui se situe à la fois au sud et à l'est, à l'ouest du Burkina Faso. Exactement, près de la frontière avec le Ghana. Voilà. Et j'ai été intéressée beaucoup, j'ai travaillé avec eux sur la question du lien qu'ils entretenaient avec les puissances divines. La question de l'initiation, notamment, la manière également dont ils se protégeaient de certaines puissances qui pouvaient être malveillantes pendant qu'ils chantaient, et évidemment la question de leur répertoire et de où venait leur chant. Et cela, ça vous a aidé en tant que helléniste, spécialiste de la Grèce antique et des épopées homériques, justement, pour appréhender ce qui se passe. Alors, vous appelez ça la performance, au moment de la performance, c'est-à-dire cette réunion de personnes qui sont autour de l'aède, donc celui qui chante les chants homériques, et qui font communauté à un moment donné dans une performance dont vous dites qu'elle est religieuse. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui a été central pour moi, de porter l'attention sur la question de cette performance. C'est-à-dire de ne pas considérer uniquement l'Iliade et l'Odyssée comme des textes. Alors ça, on l'avait dit déjà auparavant, notamment en insistant sur leur caractère oral. Mais en assistant à des performances au Burkina, me suis posé d'autres questions. Tout simplement parce que j'avais cette performance qui se déroulait devant moi, que je pouvais observer les réactions de l'auditoire, notamment la manière dont le chanteur adaptait, disons, ces chants à l'auditoire, toute l'atmosphère particulière qu'il y avait à ce moment-là, donc à la fois évidemment les sons, aussi les instruments de musique utilisés par les chanteurs, mais aussi une luminosité particulière à la tombée de la nuit, toute la construction de cette performance, et bien sûr donc la présence des puissances divines en fait qui étaient invoquées, pourrait-on dire, par le chanteur au moment de la performance, et qu'on retrouve à l'ouverture de l'Iliade et de l'Odyssée. Oui, vous avez donc dans une analyse très fine justement du texte de l'Iliade et de l'Odyssée essayé de retrouver justement cette ouverture religieuse, pourrait-on dire, cette performance religieuse, en passant, dites-vous, du mythe au rite. C'est cela que vous vouliez faire? Oui, d'une certaine manière, en tout cas, effectivement, le discours sur les dieux dans les épopées homériques, on le met souvent du côté du mythe, c'est-à-dire de la mythologie, la création de ce discours mythique sur les dieux. Et moi, j'ai souhaité ajouter le côté rituel, donc c'est-à-dire que au moment de la performance, on n'est pas seulement en train d'écouter un très beau chant, même s'il en est un, mais on est aussi dans un événement rituel, pourrait-on dire, où les dieux sont présents et où du coup tous les auditeurs sont mis en contact eux aussi avec la divinité. Oui, parce que le poète, l'aède, dites-vous, il est là pour faire advenir les dieux devant ou avec son auditoire. Exactement. Voilà, les dieux sont vraiment présents. Donc ça, c'est le but déjà de la première invocation, ce qu'on appelle l'invocation à la muse, hein, quand le poète commence par chante muse. Mon idée, c'est que à chaque fois que un dieu apparaît dans la narration, c'est pas juste un personnage qui apparaît dans une histoire. Ce dieu est comme rendu présent dans le moment même du chant, dans le moment même de la performance, par la profération notamment de son nom par le poète. Oui, et puis aussi, effectivement, par tout un tas d'adjectifs sur la stupéfaction des hommes, sur leur effroi, sur leur peur à l'arrivée, ou au contraire leur surprise qui peut être positive, à l'arrivée d'une divinité dans l'histoire, mais aussi dans le cénacle qui est représenté par justement cette place particulière du moment, ce moment particulier de la profération des chants homériques par l'aède. plaide devant le petit cénacle qui est autour de lui. Oui, on s'est souvent posé la question de l'apparence des dieux homériques. À quoi ressemble Zeus, à quoi ressemble Héra? Et on était bien embêtés parce qu'il y a assez peu de descriptions. Mmh. Parce que justement, ce sur quoi le poète insiste, ce sur quoi il attire l'attention, ce n'est pas sur ce à quoi ressemble le dieu, mais bien sur la réaction des hommes au moment où il y a un dieu qui arrive. On peut dire qu'ils arrivent dans un tonnerre, par exemple. Oui, par exemple. Par exemple, un tonnerre de bronze pour certains d'entre eux, parce qu'ils sont revêtus de... Enfin, il y a effectivement des cuirasses ou des choses comme ça. Et donc, évidemment, ce bruit-là est un bruit effrayant qui fait advenir aussi le dieu dans le cénacle. Oui, il y a une dimension sensorielle très importante. Donc, quand un dieu arrive, soit on est aveuglé, soit on est assourdi, parfois on est même asphyxié. Il y a parfois les mentions de l'odeur qui viennent caractériser donc la présence du dieu. Et cela, par exemple, sur cette dimension odorante, vous l'avez apprise aussi lors de vos séjours au Burkina Faso. Il y a quelque chose d'être ensemble à la tombée de la nuit, mais aussi, il peut y avoir des parfums, il peut y avoir effectivement des fumées de viande sacrificielle parfois, il peut y avoir l'odeur de l'huile dont on oint les statues dans un temple grec, par exemple. Tout cela, ça participe d'une expérience sensorielle, dites-vous, Manon Brouillet, pourrait faire, même si c'est très différent, faire réfléchir à la façon dont les églises orthodoxes, catholiques ou les mosquées sont pleines aussi de ces odeurs qui participe à la présence de la divinité dans le temple. Oui, la dimension sensorielle disons du rituel et plus généralement de la provocation de la présence divine, si on veut. La dimension sensorielle du rite, c'est quelque chose qui est beaucoup étudié en ce moment. Donc aussi bien au sujet des sociétés polythéistes anciennes, polythéistes contemporaines, et aussi monothéistes, comme vous avez dit, par exemple, l'encens dans les églises. Et donc pour l'Antiquité, il y a plusieurs groupes de recherche, plusieurs chercheurs qui travaillent là-dessus. Et ils travaillent en particulier sur les sanctuaires, les festivals, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en lien cette présence sensorielle forte qui sert à évoquer la divinité dans le rituel et la manière dont la présence des dieux est décrite dans les épopées. Alors, si on se rapproche du caractère physique, pourrait-on dire, de cette performance religieuse dont vous parlez, Manon Brouillet, elle se déroule dans des temples et dans des lieux sacrés, dites-vous. Est-ce qu'elle se déroule ailleurs et est-ce qu'au bout du compte, la aide peut invoquer cette présence divine et la faire advenir dans des lieux banals ou est-ce qu'il lui faut un endroit particulier? Vous disiez les sanctuaires ou vous disiez les festivals, donc qui sont des moments particuliers de la temporalité d'une année en Grèce antique. Est-ce qu'il peut le faire, je ne sais pas, sur une aire de battage, à la tombée du jour, après les moissons, à d'autres moments? Alors, on a en fait très peu de témoignages sur le contexte réel de ces performances. Donc, on sait qu'on chantait l'Iliade et l'Odyssée dans les grands festivals, donc dans les sanctuaires des dieux. Et l'autre contexte vraiment qui est bien documenté, en tout cas, qui est mentionné à plusieurs reprises, c'est dans le cadre des banquets. Mais le banquet, c'est pas n'importe quel moment, puisque le banquet, que ce soit, même si c'est pas un grand banquet civique, on a généralement une consommation de viande, donc cette viande, elle a été d'abord sacrifiée. Donc la performance poétique, elle fait suite à ce sacrifice, et donc il y a déjà l'instauration d'un lien avec les dieux qui a eu lieu. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres contextes de performance? À mon avis, c'est possible. Et est-ce que ce serait des contextes plus laïques, disons? Je pense qu'à partir du moment où la aide se mettrait à chanter, eh bien, voilà, le lieu où l'on aide est surtout, enfin, ça prendrait une autre dimension, une dimension rituelle, en fait. Oui, alors, c'est extrêmement intéressant, d'autant qu'on a peu de descriptions de ce que peut être un aède, même physiquement. On en a une par Platon, expliquez-vous, qui est la seule, d'ailleurs, un peu précise. On dit qu'il a un vêtement chamarré, mais on ne sait pas très bien si c'est une façon pour Platon de s'en distinguer, d'une certaine façon, de ces personnages qui remontent, comme on dit généralement, à la plus haute antiquité, ou si c'est au contraire une façon de le valoriser, Metahead. En tout cas, il se distinguerait par son vêtement. Est-ce que c'est simplement parce que son vêtement est mieux mis, mieux entretenu, ou au contraire parce qu'il est encore plus important dans sa parure que le vêtement traditionnel? On ne le sait pas très bien, Manon Brouillet. Alors effectivement, une de nos sources pour nous représenter, disons, les performances épiques et les chanteurs, c'est Platon. Donc aussi bien dans Lyon, mais aussi dans la République. Or, Platon, il condamne en fait les poètes. Donc c'est problématique. Il y a une dimension critique forte, et donc on peut pas prendre Platon au pied de la lettre. En même temps, si Platon prend la peine de condamner avec force la poésie en général, c'est bien que la poésie avait vraiment une importance très grande à l'époque, même à l'époque classique, au 5e siècle. Pour ce qui est de ce vêtement riche, chamarré des chanteurs, de la Aide, donc qui chante l'épopée, mais aussi d'autres Aèdes, on a un passage d'Hérodote aussi, où la tenue du chanteur est décrite et rappelée à de nombreuses reprises, donc une tenue particulièrement riche, chamarrée, sans doute faite de broderies colorées, mais aussi peut-être de plusieurs peut-être ornements, de plusieurs ornements, voilà. Et alors on pourrait se dire, bon, c'est parce que c'est agréable à voir, et donc c'est bien de, quand on écoute quelque chose d'agréable, d'avoir aussi un joli spectacle sous les yeux. En fait, l'adjectif qui est décrit, là, c'est vraiment de la philologie, mais l'adjectif qui est utilisé pour décrire, c'est poikilos, qui veut dire, donc, qu'on traduit par varié, chamarré. Et c'est un adjectif qui a une valeur extrêmement positive en Grèce ancienne, et qui, justement, peut faire souvent référence à la sphère divine. Et donc on a en fait dans cette tenue, cet apparat particulier de la Aide, également une manière de susciter cette atmosphère particulière liée donc à son lien, qui est en rapport avec son lien avec les dieux. Oui, et cela, effectivement, c'est une grande partie de votre thèse. Vous travaillez autour de cette figure de la Aide, dont on ne sait pas grand-chose, mais dont on sait simplement qu'il était porteur de cette parole et porteur de ce cérémonial religieux qui est au cœur de l'histoire que vous nous contez, Manon Brouillet. Par exemple, le fameux Démodocos dans l'Odyssée, qui est lui représenté à l'intérieur même de ces chants homériques et dans l'Odyssée, eh bien c'est un Aède qui a des capacités différentes, par exemple du héros qu'est Ulysse, et vous insistez beaucoup sur ces différences entre un personnage qui serait presque surhumain mais qui est un homme, à savoir Ulysse, et de l'autre côté cet Aède qui lui est directement en relation avec les dieux. Dans l'Odyssée, il y a deux Aèdes qui sont présentés, qui sont mis en scène, plus un troisième auquel on fait référence, mais il y a essentiellement donc Démodocos sur l'île des Phéaciens, qui chante à trois reprises, et on a notamment eu un chant des Démodocos qui est vraiment intégré, disons, dans l'Odyssée elle-même, donc les amours d'Arès et d'Aphrodite. Et puis l'autre Aède, c'est Phémios, celui qui est à Ithaque. Et on a souvent en fait d'Ulysse une figure poétique, comme un double du poète, puisque Ulysse, quand il est lui-même à Ithaque, après avoir entendu Démodocos chanter, va raconter toutes ces péripéties, et ça constitue quand même une bonne partie, un bon tiers de l'Odyssée. Moi, ce que j'ai essayé effectivement de souligner, les différences qu'il y a entre la figure de Démodocos, présentée donc comme ayant un lien particulier avec la muse, un lien qui est souligné par Ulysse d'ailleurs. Il dit, si tu racontes ça si bien, quand il chante la guerre de Troie, c'est soit que tu y étais, soit que tu as... la muse t'a donné un don particulier. Or, lui, Ulysse, il va pouvoir raconter ses aventures, et son auditoire va être absolument charmé, mais lui, il y était, et c'est pour ça qu'il peut raconter. Pour finir avec vous, Manon Brouillet, avant d'avoir la deuxième partie de cette émission avec Diana Abadi, autour de la musique à Beyrouth à la fin du 19e siècle et au début du 20e, vous insistez sur le fait que ces chants homériques ont permis de faire advenir, pourrait-on dire, et de dire quelque chose sur ce polythéisme grec qui nous interroge toujours. Oui, mon idée, c'est que les épopées homériques, en fait, elles construisent le polythéisme grec. Donc, elles sont pas simplement un reflet des croyances de l'époque, par exemple, mais qu'il y a même une réflexion en cours sur ce que sont les dieux, sur ce qu'est le rapport avec les dieux dans les épopées homériques. Alors, par exemple, les dieux, comme je vous ai dit, ils sont pas décrits. En général, en tout cas très peu, sauf quand on peut dire que tel personnage va ressembler à Arès ou à Athéna, qui sont comme des statues en or, etc. Mais là, en fait, on ne décrit pas les dieux, on décrit les statues des dieux. Donc il y a cet écart qui est intéressant et sur lequel le poète réfléchit lui-même. Merci Manon Brouillet d'être venue nous présenter votre thèse que vous avez soutenue en fin 2016. Elle sera publiée bientôt ? Oui, normalement en 2019 aux éditions de la Sorbonne. Et puis bon séjour à Harvard où vous allez partir d'ici quelques semaines. Merci encore d'être venue. Merci beaucoup. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Un morceau de Sami Al-Shawa, donc surnommé le prince du violon arabe, un morceau enregistré en 1949 avec un orchestre oriental sur partition, une reprise d'un d'or célèbre pour nous introduire au deuxième sujet de cette émission du jour. La Fabrique de l'Histoire donc reçoit cette semaine des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs qui ont soutenu leur thèse très récemment. C'est votre cas, Diana Abani, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis les studios de la radio allemande à Berlin où vous vous trouvez. Vous avez soutenu votre thèse à la Sorbonne sous la direction de Frédéric Lagrange au tout début de cette année 2018 sur le thème de musique et société au temps de la Narda à Beyrouth entre la fin du 19e et l'année 1938. C'est une thèse extrêmement riche qui nous permet de nous plonger dans cette période peu connue de la musique à Beyrouth en vous intéressant en particulier à l'esprit de cette Narda, donc il faut peut-être décrire brièvement pour nos auditeurs cette Narda qui signifie, c'est comme ça qu'on la traduit généralement, mais peut-être est-ce faux, la Renaissance arabe. Oui, effectivement, la Narda, c'est un mot en arabe qu'on traduit souvent par Renaissance, Renaissance littéraire, Renaissance sociale, artistique, mais c'est plus une période où dans le monde arabe qui commença à Beyrouth mais aussi en Égypte, au Caire, de nombreux intellectuels débattaient des questions d'identité arabe, des questions politiques, des questions sociales, des questions de modernité, comment moderniser la société, comment entrer dans ce courant de progrès universel. Et donc ce discours-là se partageait se traduisait dans les journaux, dans les œuvres écrites à l'époque, fin du 19e siècle jusqu'en 1900, les années 40. Des questions également de nationalisme arabe, syrien. Et donc ce que j'ai essayé de faire dans ma thèse, c'est d'essayer de relier la question de la musique, comment moderniser la musique, qui était une question très récurrente dans les journaux de l'époque, les débats, Donc, comment relier la musique aux questions identitaires de la Nahda? Oui, il faut dire que vous avez choisi une période extrêmement riche sous la direction de Frédéric Lagrange pour votre thèse, Diana Abadi, c'est-à-dire la période qui concerne la fin de l'Empire ottoman, dans la montée, pourrait-on dire, de Beyrouth comme une sorte de vraie grande ville arabe à partir de la fin du 19e siècle au tout début du 20e siècle, et puis de l'autre côté, l'arrivée, après la Première Guerre mondiale, des puissances donc coloniales que seront la France et la Grande-Bretagne dans la région, et en particulier donc le mandat sur la Syrie et le Liban de la France. Vous vous arrêtez avant la Seconde Guerre mondiale et avant l'indépendance de 1943 du Liban, et vous vous intéressez sur l'influence que peut avoir justement ce bouleversement géopolitique sur les conceptions musicales et musicologiques de ce pays en profonde, de cette région en profonde transformation, Diana Amani. Oui, tout à fait. J'ai choisi cette période parce que la première raison, c'est que dans notre histoire culturelle et histoire de la musique au Liban, on connaît parfaitement les années 40, 50, enfin surtout 50, mais on n'avait aucune connaissance de ce qui se passait dans la vie musicale à Beyrouth au début du XXe siècle. Mm-hmm. C'est le cas également en Syrie et en Palestine, ce n'est pas seulement le cas du Liban. Et c'est pourtant extrêmement riche, vous nous racontez que c'est extrêmement riche cette vie musicale, elle est en profonde transformation, on est en train de passer du statut des petites fêtes familiales autour des mariages et des petits salons à un spectacle ou une spectacularisation de la musique très grande dans les années d'entre-deux-guerres. Effectivement, c'est durant cette période-là, la ville de Beyrouth va s'ouvrir, que ce soit à la France, à Paris, mais aussi également à l'Égypte. Donc Beyrouth va se trouver dans un monde très dynamique. Et donc la ville va connaître l'ouverture de nombreux lieux de loisirs, de divertissement, qui va accueillir des chanteurs égyptiens, mais également européens et parisiens. Et également l'émergence de l'industrie de disques, donc la fabrication de disques, l'enregistrement de nombreux chanteurs de Beyrouth, et qui vont également s'ouvrir à la scène égyptienne. Oui, ce qui est très étonnant et ce que vous nous racontez très bien dans votre thèse, Diana Amani, c'est tout ce qu'il y a de bouleversements à la fois technologiques, mais aussi de débats qui parcourent la société béroutine en particulier, entre le type de musique qu'il faut faire, est-ce qu'il faut s'occidentaliser, est-ce qu'il faut récupérer les codes de la musique occidentale pour pouvoir la transformer et l'adapter à la musique que l'on faisait auparavant, est-ce qu'il faut trouver une musique nationale pour être on dit au pré-national, ça n'est pas encore l'indépendance, mais disons une musique qui incarne le territoire libanais, en particulier la montagne libanaise, contre ou avec la ville de Beyrouth et le caractère citadin de la musique. Tout cela, c'est au cœur de votre travail, Diana Amani. Oui, le problème, c'est qu'à Beyrouth et au Liban, qui n'existait pas à l'époque, qui a été créé en 1920 comme le Grand Liban et qui aura l'indépendance en 1943, c'est que depuis le début du XXe siècle, on va essayer de mettre toute une valeur nouvelle à la musique et se demander quel est le rôle de la musique dans la société, comment peut-on moderniser la société à travers la musique et comment la musique va refléter notre modernité et comment se distinguer de l'Égypte qui la vie musicale égyptienne, elle pesait sur l'ensemble de la région. Et d'ailleurs, elle c'est toujours le cas. Donc c'est pour ça la musique, elle était devenue au cœur du débat, de ce débat-là identitaire. Et donc deux courants se trouvaient à Beyrouth, et cela va se refléter dans une querelle très marrante d'ailleurs, qui va se refléter dans les journaux, entre la création d'un conservatoire, d'une école musicale, ancêtre du conservatoire, et donc qui va être financée par les autorités françaises et les autorités locales, et les députés et quelques intellectuels qui vont critiquer ce financement officiel d'un lieu de loisirs considéré comme décadent. Et donc toute une controverse se refléta dans les journaux, Et donc, si on peut dire, résume ce débat identitaire que Beyrouth connaissait. Oui, et on va y revenir dans un instant avec vous, puisque vous évoquiez la musique égyptienne. On écoute un titre de Hamdal Ilmi, donc, dans une anthologie publiée par la Fondation Amar, qui, je crois d'ailleurs, vous a aidé dans votre propre travail. Un titre donc d'Abdel Ilmi, donc un musicien qui est mort en 1912, enregistré ici par la compagnie allemande de disques Odéon, qui l'enregistre dès 1905. Cet intérêt, d'ailleurs, vous y insistez, Diana Abani, cet intérêt des Occidentaux pour cette musique est assez particulière, puisque vous expliquez par exemple que Béla Bartok, chargé d'enregistrer certaines musiques de la région, va les négliger d'une certaine façon, considérant qu'elles sont trop modernes et pas assez traditionnelles, alors que lui-même est en train de mettre en place une musique extrêmement moderne, dites-vous, Diana Abani. Oui, dans les années 30, en 1932, le congrès de musique arabe qui a lieu au Caire avait comme but d'enregistrer ces musiques traditionnelles de l'Orient. Le problème, c'est que la délégation syrienne, à la tête duquel il y avait le Beyroutin Wadia Sabra, qui partit au Caire, avait présenté plutôt une musique très occidentale, basée sur l'harmonie, et donc elle n'a pas reçu l'intérêt de ces musicologues européens qui cherchaient plus des musiques traditionnelles, authentiques. Et ce personnage de Wadia Sabra, sur lequel vous insistez beaucoup, c'est le cœur de votre thèse, pourrait-on dire, avec l'école qu'il crée, et le pionnier, dites-vous, de l'occidentalisation musicale. Il est formé à Paris, il va obtenir, d'après ce que j'ai cru comprendre, Pleyel, de fabriquer un piano oriental, donc c'est dans les années 1909-1910, et quand il revient donc dans son propre pays, qui n'est pas encore le Liban, mais qui est donc sous mandat français, il obtient le soutien pour la création d'une école, comme d'ailleurs la France soutient à la même époque la création du musée de Beyrouth, parce que le musée de Beyrouth, il se distingue de ses voisins par la Phénicie et donc une histoire qui serait un passé non arabe. Et vous dites qu'il y a là, à la fois dans la tutelle française, dans la façon de considérer cette musique et ce travail de Wadia Sabra, un lieu de débat, comme vous nous l'avez dit, entre intellectuels de la Narda, de cette renaissance arabe. Oui, en 1910, Wadia Sabra ouvrit d'abord le premier institut musical à Beyrouth, Dar al-Musika, qui fut à l'époque soutenu par les autorités ottomanes. Et ce lieu d'éducation musicale, en 1920, va devenir, exactement en 1925, une école nationale. Donc, qui est financée officiellement par les autorités françaises, qui soutiennent un tel projet d'occidentalisation de la musique. Mmh. Et c'est dans les années 20 que Wadia Sabra également tente de mettre en place un piano oriental. Il n'était pas le seul. Plusieurs Égyptiens également ont essayé de mettre en place un piano qui est capable de jouer les mélodies arabes. Oui, il faut lire la bande dessinée de Zaïna Abé Rachet sur ce sujet, qui s'intitule d'ailleurs le piano oriental, qui est plus tardive. Mais en l'occurrence, ce qui est très intéressant, c'est que vous dites qu'en fait, ces musiciens, et en particulier Wadi Sabra, considèrent que le piano est nécessaire d'une certaine façon pour institutionnaliser une musique qui va devenir la musique nationale, parce que c'est l'instrument majeur de la musique occidentale. Oui, tout à fait. On considérait que la musique occidentale, c'est la musique universelle, c'est la musique qui, le reflet de la civilisation, et il fallait d'une manière très très très importante de d'adapter cet instrument de musique à la musique arabe, ce qui était très difficile. Et Wadia Sabla a échoué de mettre en place ce type de piano. Mais il a réussi à mettre en place, par contre, une éducation de la musique à Beyrouth, qui est une éducation occidentale. Qu'est-ce que le Hadib, alors pour ceux qui ont lu Taha Hussein, comme ça m'est arrivé il y a quelques dizaines d'années, dans la traduction française de Hadib ou l'aventure occidentale, ils le savent effectivement, mais vous insistez sur cette figure du Hadib qui est ce poète ou ce musicien occidentalisé, c'est cela, on peut dire cela? Pas forcément, non. Le terme de Hadib, je l'associe à plusieurs sens. Entre autres, c'est une figure qui est respectée dans la société, c'est un homme de lettres, qui a un statut respecté dans la société, qui essaye en même temps de ramener la société au progrès et à la civilisation. Et donc, à travers ses écrits, à travers son travail, et en associant le terme de musicien Hadib, donc je suis comment, dans la société beyroutine, une nouvelle figure de musicien apparaît. C'est un musicien qui est respecté dans la société, alors qu'auparavant, le statut des musiciens n'était pas... la profession du musicien n'était pas une profession respectée. Donc, il commençait à monter en scène, à aller dans les salons littéraires, à parler et discuter et vivre dans la scène culturelle et littéraire de Beyrouth. Et donc, ils avaient un projet de moderniser la musique et donc moderniser l'ensemble de la société. Alors, cette modernisation passe aussi par la disparition de formes traditionnelles musicales, expliquez-vous, et ça, c'est très intéressant, qui vont être progressivement abandonnées au profit de ce qui va, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres formes musicales, mais qui va devenir la chanson de variété, dites-vous, que l'on connaît pour effectivement avoir été promue ensuite beaucoup après la Seconde Guerre mondiale. Mais vous intéressez à la période qui précède cette Seconde Guerre mondiale, Diana Lamani. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que ces chants traditionnels étaient considérés comme non modernes. Ils ne représentaient plus la société moderne. Ils ne correspondaient plus à la vie, au rythme de la vie de Beyrouth. Cette bourgeoisie qui voulait de plus en plus s'occidentaliser. Donc, pour accéder à cette modernité, il y avait un goût pour la musique occidentale. D'où le succès de cette musique de variété, caractérisée par des chants à rythme léger, des textes légers, satiriques souvent, mais également des chants de danse qui correspondent également à ces nouveaux lieux de loisirs. Et donc les chants traditionnels ont disparu, oui. Et cette musique, elle est portée aussi par l'invention technique du 78 tours, expliquez-vous. Et ça, c'est très important que d'insister là-dessus. Comment, effectivement, un support musical change aussi la musique? Oui, bien sûr, parce que l'industrie du disque, les compagnies de disques qui enregistraient les chanteurs depuis le début du XXe siècle avaient un but principal, c'est vendre ce produit-là et vendre les phonographes. Donc, enregistrer les chanteurs, ce n'était pas pour enregistrer les chanteurs les meilleurs chanteurs, mais enregistrer les chanteurs qui vendent et enregistrer la musique qui peut être vendue. Et donc, enregistrer également une musique qui peut être enregistrée sur ce disque-là, donc qui ne ce sont des chants de 2 à 4 minutes ou à 5 minutes, alors qu'une performance traditionnelle de tarte peut durer 20 minutes et même plus. Et oui, donc on est obligé effectivement de ramasser sa musique sur beaucoup plus court, un peu comme à partir des années 60, le 45 tours va obliger les chanteurs à faire des chansons de 3 minutes, 3 minutes 30 au grand maximum, c'est-à-dire c'est le support qui décide d'une façon de ce qu'est la musique, en l'occurrence Diana Abani. Oui, tout à fait. Et c'est le support qui décide qui doit être enregistré et qui est délaissé de cette industrie montante du disque. Merci beaucoup, Diana Abani, d'avoir été avec nous depuis les studios de nos confrères de la radio à Berlin. Votre thèse, je pose la même question que j'ai posée au tout début à Manon Brouillet. Cette thèse, elle sera publiée un de ces jours ? Oui, je travaille là-dessus en ce moment, donc j'espère la publier d'ici 2 ans. Et sinon, pour ceux qui voudraient la connaître avant ces 2 années et s'y intéresser, ils la trouveront dans une très bonne bibliothèque universitaire, j'imagine, là où on peut aller l'acquérir. Merci beaucoup d'être venu donc nous parler de ce Beyrouth de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle pour une thèse qui est tout à fait exceptionnelle et très remarquable sur un sujet qui, malheureusement, est assez peu traité dans la recherche française. Et c'est tout à fait honorable que de vous y être livré. Merci encore. Une interprétation par Fayrouz qui évidemment représente cette musique d'après la thèse de Diana Abani, donc cette musique de l'après-seconde guerre mondiale et de cette nationalisation d'une sorte de musique nationale libanaise sur une composition d'avant de Zaki Nassif des années 1940. C'est ainsi que nous terminons cette émission donc consacrée aux thèses autour de la musique, du chant et de la poésie avec Manon Brouillet et avec Diana Abani, une série d'émissions, donc une émission préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc ainsi qu'Aurélie Marsay. Kevin Boisseau était avec nous à la technique aujourd'hui et Anne Fleury à la réalisation. Demain, nous recevons Edens Morris qui a fait sa thèse sur la Guyane française et l'école dans une vieille colonie. Comme Simien sur les maîtres d'école et les instituteurs de république d'éducation entre lumière et révolution, donc à la fin du 18e siècle. Et Julie Marquet pour l'encadrement des populations locales dans les établissements français de l'Inde, les expériences juridiques entre 1816 et 1857. C'était demain. Et on vous attend à l'écoute.